La traite des esclaves en Égypte et en Turquie par Guillaume Lejean. Le résultat le plus décisif de la guerre de la sécession américaine a été de fermer à la traite des esclaves le seul grand état civilisé qui resta encore affligé de cette plaie sociale. Cette importante victoire de l'humanité a permis d'étudier la question de l'esclavagisme sur un terrain nouveau que, pour des raisons diverses, on était généralement convenu de n'aborder qu'avec une extrême circonspection. Je veux parler des États d'Orient. Les avocats de l'esclavage oriental avaient affirmé si souvent l'impossibilité pour des écrivains européens d'en parler avec connaissance de cause que le public s'était habitué à les croire sur parole, d'autant mieux qu'au fond la question ne le touchait pas beaucoup. Si l'opinion publique aujourd'hui se réveille un peu de cette indifférence regrettable, c'est qu'on a fini par comprendre que la traite et l'esclavage affectent indirectement mais sérieusement bien des intérêts européens. Ce nouveau point de vue n'a été qu'effleuré par l'auteur du livre tout récent que nous avons cité en tête de ces pages. Il est évident que M. Berliou a été inspiré surtout par les raisons de droit et d'humanité. Son livre d'ailleurs est un état de situation très complet de la traite africaine et je trouverais inutile de le commenter si je n'avais à joindre à ce bon travail de cabinet les souvenirs et les impressions personnelles que j'ai pu rapporter du Levant, où j'ai vu par moi-même les effets de la traite orientale. Je ne veux étudier ici qu'un épisode de cette honteuse histoire, celui de la traite turco-égyptienne depuis une dizaine d'années. Chapitre 1er. C'est en Égypte que le mal est le plus général et le plus enraciné. Quand Bonaparte s'empara de l'Égypte en 1799, il trouva le commerce des esclaves dans l'état le plus florissant. Avec le dédain pour l'idéologie qu'on lui connaît, il se garda fort de songer à le réprimer. Au contraire, il s'occupa de le développer dans l'intérêt de sa conquête. Il ne faut donc pas s'étonner si Mehmet Ali, homme de génie mais musulman, enrichit encore sur les tendances utilitaires du vainqueur des pyramides. J'ai rapidement esquissé ici même les diverses phases historiques de la traite contemporaine en Égypte et montré le commerce des Noirs monopolisé à l'origine par le vice-roi, puis devenant libre et prenant, grâce à l'avidité d'une vingtaine de traitants européens établis dans la capitale de la Nubie, à Khartoum, une activité qu'il n'avait jamais eue entre les mains routinières des indigènes. Ceci pour lutter contre la concurrence européenne qui disposaient de moyens nouveaux et d'armes perfectionnées, durent multiplier leurs coups de main. Vint la guerre d'Orient, et la suppression officielle de la traite fut imposée à la Turquie et à l'Égypte par les puissances protectrices. Le vice-roi d'alors, Saïd Pacha, était de bonne foi en signant cette convention, et ceux qui l'ont connu savent assez que ce n'étaient pas les scrupules religieux qui pouvaient le faire hésiter à détruire une institution qui est une base nécessaire de l'islamisme. Mais il était indolent, indécis, mal servi par des agents fanatiques et vénaux, et tout continua de marcher comme s'il n'y avait pas eu de firmant abolissant la traite. Le mal atteignit des proportions effrayantes et fit ouvrir les yeux à tous ceux qui n'étaient pas volontairement aveugles. Les consuls généraux d'Alexandrie, harcelés de plaintes et de rapports provenant de leurs subordonnés et de leurs nationaux les plus honnêtes, prirent d'un commun accord des mesures énergiques contre la traite des Noirs qui se faisait sous pavillon européen tout le long du Nil. Ils pressèrent le nouveau vice-roi d'en faire autant pour ce qui regardait ses sujets. Le gouvernement égyptien agit en cette circonstance avec une habileté consommée. Sous prétexte de réprimer la traite faite par les Européens, il prit des mesures draconiennes afin d'anéantir le commerce européen de Khartoum, dont le développement lui faisait ombrage, et en affectant d'agir de concert avec les consulats, il parvint, après 4 ans de guerre sourde et patiente, à expulser de Khartoum toute la colonie européenne, les honnêtes gens comme les négriers. C'est une histoire instructive sur laquelle on nous permettra de nous arrêter un moment. En 1862, Saïd Pacha avait reconnu, avec la bonne foi qui le caractérisait, qu'il s'était trompé en faisant une tentative de décentralisation dans le gouvernement de la Nubie. Il avait rétabli dans cette vaste province, d'une étendue double de la France, le gouvernement militaire et quasi absolu qu'il avait supprimé 6 ans auparavant. Le soldat énergique et à demi sauvage qu'il mit à la tête du pays était un ex-mamelouk circassien nommé Moussa Pacha, musulman plus que tiède, et néanmoins ennemi passionné de tout ce qui était européen. Saïd comptait bien sans doute surveiller cet homme et l'empêcher de dépasser certaines limites. Mais il mourut quelques mois après, et un hasard malheureux voulut que Moussa fût précisément le favori du successeur de Saïd Pacha. On comprend aisément que, sûr de l'impunité, grâce à cette puissante protection, le nouveau satrape de Nubie alla dans la voie de l'arbitraire aussi loin qu'il le pouvait. Il débuta par un coup de maître. Obligé par ses fonctions de publier le firman d'abolition de la traite des esclaves, il l'avait brièvement accompagné de ce commentaire « C'est un acte malheureux, mais puisqu'il a été fait, j'y tiendrai la main ». Les négriers, qui formaient la presque totalité du commerce de Khartoum, interprétèrent ainsi ce mot d'un homme rusé et circonspect. Moyennement les accommodements d'usage en ce pays, je fermerai les yeux sur les contraventions. Pour plus de sûreté, quand l'époque des départs annuels pour le Nil Blanc fut venue, c'est-à-dire à la fin de septembre, ils demandèrent officieusement si la traite serait tolérée cette année. On le leur promit, et ils payèrent sans murmurer l'énorme droit arbitrairement créé par Moussa Pacha sur les équipages des barques qui remontaient le Nil. En mai 1863, ces barques revenaient à Khartoum chargées d'esclaves. Elles furent arrêtées par ordre du Pacha, les armateurs jetés en prison, les chargements d'ivoire confisqués, les esclaves également saisis pour le compte du gouvernement. Parmi les véhicules, les agents arrêtés se trouvaient des employés de commerçants européens de Khartoum, et ces agents avaient fait la traite ou plutôt la contrebande des Noirs pour leur propre compte, malgré les instructions verbales ou écrites de leur patron, étrangers et même hostiles à cette industrie. Moussa Pacha, qui avait espéré profiter de ce coup de main pour englober les Européens dans un grand procès de traite et arriver à les expulser de Khartoum, où leur présence le gênait de toute façon, poursuivit avec une rigueur exceptionnelle les véquilles de M. Patrick, consul anglais, et des frères Poncet, français bien connus en Europe par leurs découvertes géographiques. Ces agents assumèrent loyalement toute la responsabilité de leurs actes, et le Pacha, dont ces déclarations ne faisaient pas le compte, chercha par la torture à leur faire avouer que leur maître les avait autorisés et encouragés à la traite des Noirs. J'ai sous les yeux les détails les plus précis et les plus atroces sur le genre de traitement auquel ils furent soumis. Il faudrait parler latin ou arabe pour spécifier les supplices dont ces malheureux furent menacés et dont les préparatifs furent faits sous leurs yeux. Cependant, faute de preuves, ils furent relâchés. Mais les commerçants européens de Khartoum, compromis par l'indignité de quelques-uns de leurs confrères, mal soutenus par leur consulat, ne trouvèrent plus la position tenable et quittèrent le pays. Le Pacha mourut peu après, non sans avoir pu constater de ses yeux le plein succès de ses violences. Il avait écarté à la fois des concurrents dangereux et des témoins gênants, les négriers maltais, qui avaient appliqué à la traite le levier tout européen de l'association, et les correspondants autorisés des consulats d'Alexandrie et des journaux d'Europe. Débarrassé des uns et des autres, le gouvernement égyptien se mit à faire la traite des Noirs avec des moyens d'action que la traite privée n'avait guère pu déployer. Une nombreuse infanterie bien disciplinée et bien armée, plusieurs milliers de cavaliers arabes, des bateaux à vapeur et des canons. L'industrie privée ne fut pas supprimée, mais on avait appris à se passer d'elle, et on ne lui laissa que les miettes du festin. Et pourtant c'était elle qui avait inauguré ce système de razzia générale qui avait si puissamment accéléré la dépopulation du Soudan. En 1862, un chef d'aventurier, nommé Mohamed Daher, avait concerté avec une tribu arabe, les Abou Rof, et une flottille de négriers de Khartoum, une grande razzia sur plusieurs tribus de nègres d'Enka, qui occupaient les vastes pâturages situés à l'est du Nil Blanc et au nord du 10e degré de latitude. Mohamed et les Abou Rof, échelonnés sur une ligne immense, devait rabattre toute la masse des nègres sur le Nil et la rivière Soba, gardée par Négrier. Le coup réussit, tout fut pris, pas un noir n'échappa. Un pays aussi vaste que la Belgique fut absolument dépeuplé. Il était couvert de villages quand j'y passais avant cette razzia. C'est aujourd'hui une steppe. Le bétail humain fut si abondant que les derniers matelots eurent 60 têtes pour leur part de prise. En 1863, le jeune baron d'Eblin, voyageant sur le Nil, rencontre un certain Oued Ibrahim, qui revient triomphant d'une expédition faite avec le concours de 25 barques négrières de Khartoum contre les mêmes d'Enka. On avait pris des milliers de Noirs, surtout des enfants. Sans doute les adultes s'étaient fait tuer en combattant. En 1864, le voyageur belge Prüssner est obligé de se sauver en toute hâte du même pays devant une battue générale faite par ordre du pacha. Vers le même temps, Henri est fort à Khartoum de la naïveté généreuse de Mademoiselle Tinet, la même qui vient de périr si tragiquement chez les Touaregs, qui, ayant rencontré ces bandits ramenant à Khartoum leurs troupeaux humains, avait racheté fort cher quelques malheureux noirs dont les souffrances avaient excité sa compassion. Lorsque Mademoiselle Tinet, au mois de mars 1864, passa dans le pays des Chelouks, il venait de partir une expédition composée de 60 barques négrières, appuyée d'un millier de cavaliers arabes. Nous retrouvons au mois d'août sur le Nil, avec deux barques, un certain Halil Chami, chrétien de Syrie, ancien agent consulaire britannique muni d'un passeport autrichien pour plus de sûreté. Il ramenait sur ses deux barques sa part de pillage, 700 captifs à demi-morts d'épuisement. De temps à autre, le gouvernement de Khartoum punit à sa façon tous ces petits voleurs en confisquant leurs chargements humains et en les faisant financer selon ses traditions. Mais que pense-t-on qu'il fasse des malheureux qu'il enlève ainsi aux négriers, les rapatriés? Rien ne serait plus humain, ni surtout plus facile, vu la distance relativement faible des pays d'où ces malheureux sont arrachés. Cependant, il y aurait une étrange naïveté à croire le gouvernement capable d'une pareille action. On commence par mettre à part les adultes en état de servir, et on en fait des soldats. Une partie est destinée aux officiers et aux autres employés du gouvernement pour leur tenir lieu de solde. Les hauts fonctionnaires achètent, vendent, brocantent de toute manière le bétail humain, sans compter une formalité qu'il faut se garder d'oublier, les cadeaux aux amis puissants et aux protecteurs qu'on veut se ménager à Alexandrie et au Caire. Moussa Pacha faisait mutiler des esclaves chez lui, et en janvier 1864, il expédia 10 ou 12 de ses eunuques à ses amis d'Égypte. Le grand troupeau de noirs que possédait Moussa Pacha promenait surtout de cadeaux qu'il s'était fait faire de toutes mains. Il avait taxé les chefs arabes de Nubie à tant de noirs par tête, ce qui les obligeait inévitablement à faire des razzias pour s'en procurer. Il avait payé d'un titre de mamour, sous-préfet, un gros présent d'hommes et de bétail que Mohamed Her avait prélevé pour lui sur le produit de ses brigandages. Cependant, je ne veux pas me perdre dans le récit des faits isolés. Ce que je viens de citer, et que je pourrais multiplier à l'infini en puisant dans les ouvrages de tant de voyageurs, nous édifie suffisamment sur ce sujet. L'Égypte, dit M. Baker, favorise l'esclavage. Je n'ai jamais vu un seul employé du gouvernement qui ne le considérât comme une institution absolument nécessaire. De cette façon, toute démonstration ostensiblement faite par le gouvernement contre la traite des Noirs n'est qu'une formalité pour tromper les puissances européennes. Quand on leur a fermé les yeux et que la question est ajournée, le trafic de chair humaine recommence de plus belle. Ceci nous amène à parler d'un fait plus récent, mais assez délicat. Une partie de la presse française, d'accord en cela avec l'auteur du livre qui est l'occasion de ce travail, n'a donné qu'une adhésion très conditionnelle à une entreprise qui a justement occupé l'attention publique dans ces dernières années. Je veux parler de l'expédition égyptienne que Sir Samuel Baker dirige sur le Haut-Nil. Nous ne pouvons que nous associer à ses réserves et à ses doutes. M. Baker est un homme capable, énergique, dévoué à l'abolitionnisme. Si les conséquences de cette expédition dépendaient uniquement des intentions et des actes de M. Baker, nous pourrions être sans inquiétude, mais un homme seul, si énergique qu'il soit, ne saurait prévaloir contre un gouvernement absolu dont les vues sont tout opposées aux siennes, et qui d'ailleurs peut le congédier au premier dissentiment qui éclaterait entre eux. En admettant même que Sir Samuel Baker reste toute sa vie gouverneur général, avec pouvoirs illimités du territoire qu'il aura conquis pour le compte de l'Égypte, ses plans de civilisation finiront forcément avec lui, surtout s'ils sont en opposition directe avec les vues, les habitudes et les intérêts du gouvernement qu'il emploie. Encore une fois, notre confiance est acquise au futur conquérant du Haut-Nil, mais il faudrait une dose d'ingénuité singulière pour étendre cette confiance au gouvernement égyptien. Le Khédive a pu, pour bien disposer en sa faveur l'opinion de l'Europe éclairée, adhérer au moins par son silence au plan civilisateur de M. Baker. Il est clair toutefois que la civilisation du Soudan est ce qui le préoccupe le moins. La conquête de ce pays lui occasionnera des déboursés considérables, et la question pour lui est de rentrer le plus vite possible dans ces déboursés. Comment pourra-t-il y rentrer ? Par le commerce de l'ivoire, diront les uns. Mais ce commerce ne va plus guère, surtout depuis que l'éléphant, pourchassé sur les bords des deux Nils, recule trop loin dans l'intérieur. Par la culture du coton, diront quelques optimistes. Mais cette culture restera encore des années à l'état de projet. D'ailleurs, les moyens de transport n'existent, à vrai dire, nulle part, et le chemin de fer du Nil à la mer Rouge est un rêve qui n'est pas près de se réaliser. Que restera-t-il donc ? Est-ce l'importation du bétail du Soudan en Égypte ? L'opération sera peut-être tentée, d'autant mieux qu'il y a un précédent, celui de Mehemet Ali, qui, après la conquête du Sennar, fit diriger sur l'Égypte d'innombrables troupeaux enlevés dans le pays. Il est vrai que la plus grande partie de ce bétail périt dans la traversée du désert nubien. Il est vrai encore que cette inique spoliation ferait mourir de faim des tribus entières, comme cela est arrivé depuis 20 ans sur divers points du Bahr el-Abiad. Il ne reste par conséquent comme source de bénéfices immédiats que la chasse aux noirs, et les prétextes ne manqueront pas à ce crime de lèse-humanité. Les nègres seront assez aveugles pour résister sur quelques points aux envahisseurs et trop mal armés pour le faire avec succès. Leur résistance ne servira qu'à fournir un prétexte à des razzias impitoyables sur lesquels le gouvernement égyptien est assez habile pour donner le change à l'Europe, mais qui continueront sur une échelle bien agrandie le mal qu'il s'agit de guérir. M. Baker, honnête et incorruptible, mais seul et entouré d'agents corrompus, n'y pourra rien et ne réussira qu'à se faire écarter. Voilà ce que nous réserve l'avenir. Nous ne prétendons pas cependant faire du gouvernement égyptien le bouc émissaire de la traite orientale. Il subit le mal plus encore peut-être qu'il ne le crée. L'Égypte, il faut lui rendre cette justice, est entrée plus franchement que les autres États de même origine dans le progrès européen. Son malheur, c'est qu'elle est arabe et musulmane, et que l'esclavage est un élément nécessaire de tout le monde arabe et musulman. Depuis que la statistique pénètre un peu dans les ténèbres de l'Orient, elle nous révèle chez tous les peuples de l'islam une dépopulation dont on peut apprécier différemment les causes. C'est par la traite et la chasse aux hommes que ces États essaient de remplir les vides toujours croissants de leur population. Là où la traite a été fortement enrayée par l'action de l'Europe, comme en Turquie, on peut calculer avec une précision algébrique le temps où le dernier musulman aura disparu du pays. La population de l'Égypte n'augmente pas malgré l'énorme afflux d'esclaves qui versent les trois grandes voies du Darfour par Siout, du Soudan oriental par le Nil, de Zanzibar par Suez. Cet afflux ne s'est pas ralenti dans les derniers temps, et nous ne voyons guère ce qui pourrait le faire diminuer. M. Berliou évalue à 40 000 têtes le chiffre annuel d'esclaves qui passent par la mer Rouge. Dans ce chiffre, dont les 3/5 environ sont pour l'Égypte, ne sont pas compris les troupeaux de nègres et de galas que fournit le bassin du Nil, et dont la Nubie égyptienne garde la plus grande partie. Nous manquons d'éléments pour calculer ce qui arrive par la voie meurtrière du Darfour. Ce n'est pas que la douane de Siout, comme toutes les douanes égyptiennes, ne perçoive rigoureusement le droit d'entrée par chaque tête d'esclave. Mais les registres de ces douanes ne sont pas accessibles à des yeux européens. À la douane d'Assouan, il y a quelques années, les précautions étaient encore mieux prises. Les esclaves y étaient inscrits comme chevaux importés. Étant tenu compte des 4 ports et des 14 routes de terre qui approvisionnent le vaste empire égyptien, on ne peut pas évaluer à moins de 70 000 têtes le chiffre d'esclaves annuellement absorbés par ce pays. Quand on calcule qu'un esclave rendu en territoire civilisé représente 4 nègres tués, morts de faim ou de typhus, ou tombés de fatigue sur les routes, on voit que le Soudan perd au bas mot 350 000 âmes par année pour combler les vides produits par la dépopulation de l'Égypte. Il n'entre pas dans notre sujet d'examiner jusqu'à quel point une mauvaise administration vient en aide à une mauvaise organisation religieuse et sociale pour créer ce dépeuplement. Mais il est de fait que l'esclavage seul maintient à peu près au pair la population actuelle du pays égyptien.